Robin des Bois a mis dans son carquois ses flèches de bois tirées au combat, dédiées aux archers du roi. Il disait qu'il voulait vivre sa foi et donner espoir, dignité et droit au peuple opprimé de la terre va. Il réglait ses comptes et prêtait serment, ses faits d'armes transcendèrent le temps dans le geste d'un enfant qui se défend. Robin Dupont a mis dans son parka sa boîte à outils et ses pinces bourgeois pour casser de la BM dans les bois, pour venger ses parents qui stagnent là. Il disait qu'il faut donner du bâton et vomir dans les orques à moutons des bidochons qui pourrissent la terre va. Il s'est trompé de cible, comme il se doit, comme tous ceux qui placent leur foi dans le geste d'un enfant qui se bat. De croyance en raison, peu importe les moyens au fond, mais il y a donner ou prendre. It's a fifth.